a las montañas del sudeste mexicano. FPP, Fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur 106.3 FM. Vous écoutez La Jungle des Luttes, programme proposé par le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. Donc on est en direct aujourd'hui jusqu'à 20h30. On sera ensuite rediffusé le quatrième jeudi du mois de 8h à 9h30. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez réécouter nos émissions, il y en a quand même quelques-unes et même un paquet depuis le temps. Vous avez le blog La Jungle des Luttes, donc la plupart des émissions sont sur ce blog. Si vous voulez également avoir des informations sur le CSPCL, on a un blog, enfin un blog, pas du tout un blog, un site que vous pouvez consulter. Et vous pouvez également nous rencontrer tous les premiers, troisième et cinquième mercredis du mois. Donc le comité, on fonctionne en assemblée ouverte, donc c'est une assemblée ouverte le 1, 3 et 5e mercredi du mois à 20h dans les locaux de la CNT. Une assemblée ouverte où donc vous êtes invités à venir partager vos luttes. Notre objectif en tant que comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte et donc indirectement avec les apatistes ou directement avec les apatistes. Mais l'idée, c'était justement de pouvoir être plus ouvert et pas s'enfermer sur juste les apatistes en sachant pas vraiment si justement ça allait pas dépasser les apatistes. Et de fait, ce mouvement apatiste a bien vocation à plutôt parler à tout le monde partout, sans être une avant-garde, mais plutôt peut-être des précurseurs de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisqu'ils se sont soulevés il y a maintenant 30 ans, 1er janvier 1994. Et justement, on va revenir un petit peu sur cette histoire et parler de ce qu'il en est justement au Mexique et ailleurs, de ce que ça a fait, le rebondissement, de l'écho qu'a eu le soulèvement des apatistes en 1994. Et donc voilà, dans ce comité, on parle donc justement des apatistes, des luttes autour et l'idée de faire des ponts entre les luttes et notamment des luttes ici, là-bas, ailleurs, selon les personnes qu'on rencontre ou selon les activités des personnes faisant partie du CSPCL, les activités qui nous touchent plus ou moins ou dans lesquelles on milite plus ou moins. Et donc justement, il y en a qui sont précisément bien centrés sur la question des violences policières qui ne manquent pas de faire leurs preuves depuis des années, longtemps et encore. Et donc le 22 juin, on vous en avait parlé justement le mois dernier, on vous avait invité à rejoindre le 22 juin. Donc pour ceux qui n'étaient pas, on va justement partager avec vous les prises de parole. Donc c'était au FASTI dans le 20e, et donc il y a eu des discussions, des projections avec les familles de victimes des violences policières. Et donc les trois enregistrements, ce sera les témoignages des sœurs, puisque bien souvent, justement, c'est les familles qui doivent se battre pour des jeunes hommes en général, justement, malheureusement, la cible de la police. Et donc il y a la sœur d'Ibo mort en 2019 sur un barrage de police, la sœur de Babacar qui parlera donc de Babacar qui était lui assassiné en 2015 à Rennes et qui a reçu plusieurs balles par les policiers, et la sœur d'Angelo qui donc lui est décédé en 2017 par le GIGN de 5 balles dans le torse. Donc on aura l'occasion de les entendre donc tout de suite après une pause musicale. Mais donc effectivement, je rappelle quand même que tout ça s'est fait aussi dans un contexte où ça touche évidemment plusieurs victimes et pas seulement les personnes dont on va pouvoir parler. Il y a eu justement cet hommage à Lamine Dieng, évidemment, dont on a aussi également beaucoup parlé, qui a été assassiné en 2007 par 8 policiers dans le 20e à Paris. Et donc il y a eu un non-lieu définitif par la juridiction française en 2017. Puis en 2018, la famille a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin en juin 2020, l'État français a été obligé de verser des indemnités. Donc des années de combat pour que justice soit faite, même si malheureusement, évidemment, ça ne fera pas revenir Lamine. Mais donc il y a l'importance de toujours honorer sa mémoire et surtout de continuer le combat pour toutes les autres familles qui, elles, sont encore avec un besoin d'accompagnement, notamment judiciaire et aussi chaleureux, humain. Et donc voilà, on est tous autour des familles qui combattent contre les violences policières. Et donc, on fait une petite pause musicale et ensuite, on vous passera les trois intervenants à cette journée, les trois intervenantes. Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faits, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leurs dédains et leurs sourires, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère des damnés de la terre, celui des familles à qui ont perdu un frère, nous les petites gens, les baïonnés, les sans-voix, nous les moins que rien, les broyés, les sans-droits de Gaza, de Honé ou de Tunis, on crie pour exiger justice. Una noche fría, todo arderá. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. Ruido, no quiero estar. Ruido, con el abuso policial. Ruido, silencio sin marginal. Ruido, en esta ciudad. Una noche fría, todo arderá. Si tu louves tes fichiers, si tu bouges tes pistes, leur état d'urgence, c'est pour mieux t'asphyxier, c'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et nos espaces de liberté rétrécissent, climat répressif, les lois se durcissent, violence policière, perquise arbitraire, justice à deux vitesses, les taux se resserrent sur, bien sûr, les fragiles et les précaires, sur ceux qui résistent, sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais, il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. FPP 106.3, c'est la jungle des luttes. On vous amène le 22 juin au Fasti à Paris avec les intervenantes qui parlent des les familles, qui parlent des victimes de violences policières. Je suis la grande sœur de Ibrahim Abba, qui a été tué le 6 octobre 2019 à Villers-Belle, circulé à moto. Il est arrivé sur une route où des policiers étaient déjà sur place pour une autre interpellation. Et lorsqu'ils ont entendu la moto arriver, des policiers qui étaient dans quatre policiers qui étaient dans une fourgonnette ont décidé tout simplement de déplacer brusquement leur fourgonnette vers la moto. Et donc il y a eu le choc était tellement intense que bah, mon frère est mort sur place, il n'avait que 22 ans. En septembre 2023, nous avons eu une reconstitution sur les lieux même du drame à Villers-le-Bel. Et lors de cette reconstitution, les policiers continuent toujours à mentir en se défendant les uns des autres, et ils n'expliquent pas la raison pour laquelle ils ont déplacé brusquement la fourgonnette vers la moto. D'autant plus que la trajectoire de la route, menant sur la droite, il n'y avait pas de route. Et lorsqu'on demande au policier de tout simplement placer la fourgonnette dans la position où elle était lors du choc, il n'a jamais su, il n'a jamais voulu positionner la fourgonnette dans la position dans laquelle elle était. D'autant plus qu'il y avait aussi 3 caméras de vidéosurveillance. Donc on avait les images aussi sur place qui démontraient la position de la fourgonnette. Et il n'a jamais positionné la fourgonnette dans la position réelle où elle était lors du drame. Et avec tout ça, on reçoit comme conclusion des expertises qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux à ajouter au dossier. On a fait une demande de reconstitution en 3D. Et donc nous sommes en attente de ce retour du juge. On attendait beaucoup de cette reconstitution, surtout pour obtenir la vérité. Ben, la vérité, on la connaît, hein, mais au moins qu'ils puissent nous la démontrer là, sur place, mais qu'ils arrivent encore sur place et devant les familles, réussir encore à nous mentir et entendre des experts nous dire qu'il n'y a pas d'autres éléments nouveaux à apporter au dossier, alors que les policiers mentent. Et il y a des images qui prouvent qu'ils mentent. Il y a des témoins sur place qui sont venus aussi dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu à ce moment-là. Et avec tout ça, on nous dit qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux à apporter et c'est juste inacceptable de voir cette complicité entre les experts, entre les magistrats qui arrivent à protéger des policiers coûte que coûte, même quand la vérité paraît évidente. Mais malgré tout, on va continuer à se battre et on fera appel à tous les recours possibles pour obtenir déjà la vérité sur les faits et ensuite la justice si possible. Bonjour, moi c'est Awa, collectif Justice Vérité pour Babacar à Rennes et une des membres du réseau Vérité Justice Entraide. D'abord, je suis là pour soutenir la famille Dieng parce que c'est très important pour nous, pour moi, pour tout le monde. Parce que Fatou Dieng, c'est une personne qui est partie de personne qui m'a donné beaucoup de force au début de mon combat parce que c'était trop difficile pour moi. Il m'a donné beaucoup de force. Et mon petit frère Babacar, il avait 27 ans, il était sans papier, il avait un an en France. C'est ce qui s'est passé le 3 décembre 2015 à Rennes. Babacar il était rendu visite à son ami à quartier Morpa à Rennes. Et, il fait une crise angoisse. Et, son ami l'a appelé pompier pour avoir aide. Les pompiers ils sont bien arrivés. Ils sont pas sachés à monter pour aider mon frère. Ils sont restés en bas l'immeuble. Après, c'est là-bas qu'ils sont arrivés, ils sont 8, sachez pas aider mon frère. Ils ont tiré sur mon frère 5 balles. Le premier balle qui a coûté la vie de mon frère, c'est une balle létale qui a touché tous ses organes. Et après tout ça, ils ont menotté mon frère jusqu'à ce que les amis qui sont arrivés pour demander à enlever les menottes. Ils ont essayé à voir si c'est possible, mais c'était trop tard, c'est déjà mort. Depuis 2015, je lutte en tant qu'une mère, en tant que femme noire, en tant que citoyenne aussi, parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, je suis en France. Et du coup, au début de la mort de mon frère, ils n'arrêtent pas à mentir les policiers. Et les médias, au début, ils ont évoqué que les mensonges des policiers. Et moi, à l'époque, même si c'était compliqué pour moi, ce n'est pas une question, j'ai lâché les choses comme ça, parce que pour moi, ce n'est pas normal. Et que malgré, à l'époque, je ne savais pas lire ni écrire, je suis battue face de la... étant français, là. jusqu'à aujourd'hui, le nom de mon frère n'a pas tombé dans l'oubli. Parce que pour moi, c'est l'objectif pour montrer toutes les familles des victimes qui sont restées à terre, parce qu'on n'est pas seul. Il y a des familles des victimes qui sont restées à terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi les harcèlements, ils ont peur parce qu'ils sont des autres enfants. Ils ont peur parce qu'ils sont fatigués, ils sont tristes, c'est dur. Je me suis levée pour ça, pour vous montrer qu'il n'y a pas de raison de rester terre parce que ce n'est pas nous les assassins. Et ce qui m'a poussé à arriver où je suis arrivée aujourd'hui. De haut débit, ils sont arrivés pas aussi les premières années à annoncer à nos lieux. Mais moi, chaque fois, j'ai dit non, il y a des éléments ça à faire, il y a de ça à faire. Du coup, j'ai réussi à faire révéler beaucoup d'éléments importants qui m'a aussi encore donné la force, parce que pour la première fois, après tous les journalistes qui sont parlé de mon frère sur les versions des policiers, au final, ils sont venus pour savoir qui est Babacar. Ça, c'est pour moi c'est une victoire que... Ils sont retournés vers moi pour savoir qui est mon frère. Et voilà, les preuves matérielles qui sont dans les scellés sont détruites, ça, les premières années, en disant qu'ils ont fait des tris des anciens scellés et ils ont trompé celle-là de mon frère. Je ne suis pas d'accord de ça, parce que j'ai dit, si c'est mon frère qui a tort, les scellés, ils peuvent pourrir là-bas. Il ne peut pas le détruire comme ça de première année, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que j'ai découvert la vérité. Et aujourd'hui, où je suis, ils ont encore annoncé à nos lieux. J'ai fait un appel. Et depuis, j'attends la date. Et Inch'Allah, si le jour que je vais avoir la date, j'ai besoin de tout le monde, si c'est possible, parce que c'est pas normal quand il y a un procès ou autre, c'est les policiers qui remplissent. Ça, c'est pas bien pour nous. Il faut qu'on se lutte, qu'on se batte ensemble, toujours. Montrer à eux, même au niveau du tribunal, parce que moi, un jour, j'étais allée au tribunal pour soutenir une famille. Ils sont, après une semaine de mon reposition de fait, de mon frère, ils sont venus pas, je rentre dans la salle. Et parce qu'ils sont peur, j'attends ce qui va passer devant eux, parce que c'est les mêmes équipes qui sont là dans les repositions des faits. Du coup, avec mon détermination, j'ai dit là, je veux rester dans cette salle, sinon c'est l'audience qui va annuler, parce que c'est ouvert à public. C'est mon droit. C'est mon droit que je suis là. Et voilà, j'ai resté, mais tous les policiers, les juges, tout le monde, ils me regardent en mode, qu'est-ce qu'il fait là? Il était là. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Il était là, la semaine dernière, dans son recours sur des faits. Pourquoi? J'ai dit, je vous emmerde. Je suis là. Bonjour, moi je m'appelle Aurélie, je suis la sœur d'Angelo. Mon frère, il a été tué en 2017, le 30 mars. Il a été tué chez nous, chez mes parents, parce qu'Angelo, il avait fait plein d'allers-retours en prison. Il avait 35 ans, il avait 3 enfants. Et 6 mois avant, il avait eu une journée de permission à laquelle il avait décidé de ne pas rentrer. Pendant 6 mois, mon frère, il vivait dans sa voiture. Et le 30 mars, il est venu chez nous pour déjeuner. Et vers 13h, on a une antenne du GIGN, une vingtaine d'hommes cagoulés armés jusqu'aux dents, qui déboulent chez nous. Il était 13h. Et à ce moment-là, mon frère, il se cache juste dans une petite remise. Il y avait ma famille à terre. Et le GIGN a mis toute ma famille à terre, mitraillette sur la tempe. Ils ont fouillé. À aucun moment, ils ont demandé où était Angelo. Ils sont arrivés et... Ils n'ont pas demandé, enfin ils n'ont pas dit ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient, ni quoi que ce soit. Et ils ont fouillé partout. Ils ont malmené ma famille, menotté dans le dos. Tout le monde menotté dans le dos et par terre. Et en fait, ils pensaient sûrement qu'Angelo, il s'était fait. Il était parti. Ils étaient prêts à repartir, eux. Et Angelo, il s'est caché dans une petite remise, parce qu'on fait partie des gens du voyage. Et on habite un corps de ferme où il y a des caravanes à l'intérieur. Et mon père, il était à même pas 5 mètres. Ma mère aussi. Enfin, ils ont tout, personne n'a rien vu, mais tout le monde a tout entendu, quoi. Et eux, pendant l'assaut, ils croyaient qu'Angelo était parti. Et Angelo, il a fait un petit bruit dans la remise où il était caché. Et à ce moment-là, il y a 5 hommes du GIGN qui se précipitent dans cette remise et qui exécutent mon frère de 5 balles visées dans les organes vitaux. Du coup, après, on n'a pas eu le droit de rentrer chez nous. Enfin, c'est une machine, en fait. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, tous les meurtres d'État, en fait, c'est un système. Ils font aussi, quasiment système, enfin, la même chose. Comme Angelo... Angelo, comme Babacar, après avoir été exécuté, celui qui lui a mis la balle dans le cœur, en fait, il menotte mon frère. Et après, enfin, tout un système. Comme Babacar, Angelo, il a été menotté après 5 balles dans le corps. Et le système aussi médiatique, alors, il tue Angelo, ma famille, elle a été mise hors de vue de la scène de crime, pendant que eux, ils magouillent. Le corps de mon frère reste chez nous jusqu'à minuit. Nous, on n'a pas le droit de revenir chez nous. C'est mes parents qu'il faut qu'ils aillent faire une déposition comme si c'était eux les criminels. On a le droit de retourner chez nous le lendemain, après-midi, parce qu'on entend à la télé sur France 3 que le procureur et les assassins et toute ce petit tambouille de merde de justice, en fait, le matin qui a suivi la mort d'Angelo, ils sont venus chez nous et ils ont fait une remise en situation. Alors aussitôt... je fais une vidéo par colère, pour dire que c'est pas normal, qu'on est là, qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut du soutien, qu'on veut marcher, on n'est pas militant à la base, on ne sait pas comment ça se passe. Et j'ai du soutien des familles, notamment la famille Diang, et on se constitue partie civile. Et ça, en fait, la justice, c'est encore, ça fait partie du jeu du système. Quand on perd quelqu'un comme ça, la justice, elle ne nous dit pas nous constituer partie civile. C'est juste, y a une enquête. Une enquête sera menée, tant qu'il y a enquête. Si on ne nous le dit pas, on ne sait pas. Et grâce au soutien d'autres familles, on s'est constitué partie civile. Du coup, on a eu accès au dossier. Et on voit que, de toute façon, 5 balles visées dans les organes vitaux, c'est une exécution, rien d'autre. À aucun moment, ma famille, elle a été considérée comme témoin. À aucun moment, dans tout ça, Angelo, il a été une victime. Ils ont tué Angelo en 2017. En 2018, on a le premier non-lieu. On fait aussitôt appel. En 2019, on a un deuxième non-lieu. On va à la cour de cassation. Et en fait, le non-lieu, en appel, ils l'appuient pour la première fois. Ils utilisent le L435, le permis de tuer, sur la mort d'Angelo. À savoir qu'ils utilisent cet article de loi, mais les conditions de la mort d'Angelo, en fait, ça repose aussi encore sur un truc de légitime défense. La version des tueurs, c'est que quand ils sont rentrés dans cette remise pour exécuter mon frère, Angelo aurait été là, torse nu, brandissant un couteau devant 5 hommes du GIGN. Angelo aurait pris un coup de taser, il aurait encore malmené les hommes. 2 coups de taser. Première balle, deuxième balle, troisième balle, quatrième balle. Angelo, il était toujours en train de mener 5 hommes du GIGN avec son couteau. Il aurait fallu la 5e balle dans le corps de mon frère pour qu'il soit plus soi-disant en danger. La vérité, c'est que, qui peut croire ça, en fait, personne. Et le dossier, les non-lieux, ils sont basés sur ça, sur un mensonge, sur une légitime défense contre un couteau, en sachant que dans le dossier aussi, on voit, la famille, nous, on a accès au dossier. Et ce qu'on voit dans le dossier, c'est que oui, mon frère, il avait un couteau, il y a plein de gens qui ont des couteaux. Mais sur son couteau, en fait, il a son ADN, mais il n'y a pas ses empreintes. On découvre aussi que pourquoi ils ont menotté Angelo, parce que le tueur, il menotte Angelo et il dit qu'il démenotte Angelo pour le mettre dans une position plus confortable. Du coup, quand nous, la famille, on a accès au dossier, qu'est-ce qu'on retrouve dans le dossier? Le corps de mon frère, sachant qu'il est tombé à plat ventre, on retrouve le corps de mon frère allongé sur le dos, avec son bras et son couteau dans le prolongement de son bras. En fait, c'est une modification de scène de crime, rien d'autre. Du coup, on a fait tout ce que la justice nous dit de faire pour avoir soi-disant justice. Du coup, on a été en cours de cassation, notre pourvoi elle a été rejetée. À l'heure actuelle, au niveau judiciaire, on est à la CEDH. Et en fait, quand on a demandé justice, c'était qu'on voulait un procès. Mais en fait, Angelo, la mort d'Angelo, ça a été classé dans les faits divers par les médias, mais la mort d'Angelo, comme la mort de Babacar, de l'ami, comme n'importe quelle victime tuée par l'État, j'estime que c'est pas un fait divers, en fait, c'est un fait politique, et ça regarde tout le monde, et ça concerne tout le monde. Et les tribunaux, ils sont censés nous appartenir aussi. Et quand l'État tue, en fait, j'estime qu'à minima, un procès public devrait avoir lieu. Et c'est, on n'a pas eu ça pour Angelo, et beaucoup de familles n'ont pas ça, en fait. Et ça, c'est dramatique, c'est pourri. Et en fait, ça, c'est le système. Maintenant, on a la CEDH, ça fait 4 ans, on attend. On attend, enfin, on pourrait peut-être, comme la famille Diang, se dire, on a fini et l'État est reconnu coupable, c'est une reconnaissance. Parce qu'en mandat un procès, on veut une reconnaissance. Parce que toute victime a le droit à une reconnaissance. Mais on est 7 ans après, je me dis, bon, j'accepte maintenant, on m'a toujours dit, la justice fera son travail. J'accepte que la justice a fait son travail, à savoir, voilà ce que c'est le travail de la justice. De ne pas condamner des assassins au nom de l'État, en fait. Et que ça fait des décennies que ça dure, et que c'est de pire en pire, et qu'on doit avoir peur, et on doit se lutter. Du coup, pendant 7 ans, on a réclamé justice et vérité, et à défaut d'avoir justice, moi je suis là en hommage aujourd'hui à la mine, parce que c'est une force que vous nous avez donnée, la famille, franchement. Une force, et cette force, on la gardera en nous pour la vérité. Et d'être là aujourd'hui à dire la vérité ensemble, c'est en fait on a gagné, quoi. Et on lâche rien. Alors peut-être que vous étiez sur place ou peut-être que vous avez eu l'occasion déjà d'écouter les témoignages de ces familles puisque ça fait déjà des années que ça dure, mais on trouvait ça important de le faire connaître ou de le réécouter parce que c'est évidemment tout à fait insensé, toutes ces histoires et cette violence qu'on subit tous les uns et toutes les autres aussi à plein de niveaux. On fait une petite pause musicale et on continuera ensuite avec la maman de Naël dont on a aussi entendu parler récemment. Mais donc voilà, on fait une petite pause musicale et on continue. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se deja. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan con precintos que atan. Que fake esta mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé. firman, que nadie te siga. Las trabas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que vale mejor, que vaya y que me mantiene por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. FPP 106.3, vous êtes sur la jungle des luttes. Et donc là, on passe à la prise de parole de la maman de Naël, assassinée le 27 juin 2023 à Nanterre. Et la marche a eu lieu le 29 juin, donc un an après quasiment. Et puis, bah, désolé pour le son si ce n'est pas toujours parfait, mais l'important, c'est de partager. 106.3, la jungle des luttes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est dur, c'est très très très très dur pour moi. En sachant que ces deux policiers sont dehors, que je peux me balader et que je peux les trouver, que je peux les croiser à tout moment. Et que ça me déchire vraiment, je vous dis la vérité, ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Merci. Que la violence des policiers sur nos enfants, il y en a marre. Il y en a marre qu'ils se fassent frapper, violenter. Très dur pour nous, pour surtout les mamans. Pensez juste à une chose. Moi, je n'ai plus Naël, Nahmo. Pensez aux autres mamans qui ont perdu leur enfant, qui croisent l'assassin de leur enfant. Comment elles sont? Comment elles sont? Dites-moi comment elles sont. Moi, j'y arrive pas. Je dois tenir parce que Dieu me donne cette force-là. Mon fils me donne cette force-là. Vous, vous me donnez cette force-là. Franchement, vous me la donnez vraiment. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a rien à dire. Je veux dire, franchement, je vous remercie. Je ne sais pas comment vous remercier, mais je vous remercie mille fois. Mon fils, il a été quand même exécuté en direct. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est dur pour moi, je vous dis franchement, pour pas mal de jeunes, pour les mamans qui sont toutes là, qui sont chez elles. Peu importe, c'est dur de perdre notre enfant comme ça. Je le souhaite à personne, franchement. Même à ma pire ennemie, même à mon pire ennemi. La douleur que j'ai à l'intérieur de moi, elle est invivable, je peux même pas vous la décrire, elle est très très dure. Je souffre, vous me voyez comme ça, habillée, brochinée, c'est juste extérieur. Je suis obligée de vous montrer un truc à l'extérieur. Je peux pas vous montrer que comment je vis chez moi. Quand je rentre chez moi, j'ai plus personne. J'ai plus mon bébé. Quand je me réveille le matin, lui, il a son fils qui va lui dire bonjour, il va embrasser son fils. Moi, j'embrasse qui? Je regarde la chambre de mon fils, elle est vide, elle est juste en face de moi. Ça, c'est trop dur pour moi. Il n'existe pas. Je dois me rappeler que de lui, de mes souvenirs. Je l'aimais tellement, il était tellement gentil, serviable. Peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas retirer notre enfant comme ça. C'est impossible. C'est impardonnable, je vous promets que c'est impardonnable. Parce que voir une mère en deuil comme moi, et voir les autres mères, non, on ne mérite pas ça. On ne vous a pas mis au monde pour qu'on vous enlève la vie du jour au lendemain comme ça. On était très très bien, Naël et moi. On était simple, on ne demandait rien, il avait ce qu'il voulait. Il rendait service, son surnom la preuve, Nahna, oui oui, oui oui pourquoi, il ne savait pas dire non. Je l'ai rendu un homme. Il faisait son argent tout seul, il travaillait en tant qu'Uber. Il était très très bien, pour moi il était, mais pour d'autres personnes. J'ai pas entendu une seule personne me dire quelque chose de mauvais de mon fils. Refus d'entempérer, qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde, tout le monde. On a tous essayé de conduire sans, en défaut de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis, je vous promets. Il y en a un qui me dit non, ben, je le croirai pas. Mais je sais pas quoi vous dire. Faites attention à vous. Et que justice soit faite pour Naël. Faites attention, les jeunes. Prenez soin de vous. C'est vous le futur, les jeunes. C'est vous. N'oubliez pas. L'avenir est entre vos mains. Nous, ça y est, on a vécu, on a fait notre avenir. C'est à vous, les jeunes. C'est à vous de vous réveiller. Vous savez très bien ce qu'il y a demain. Réveillez-vous. Faut éviter les morts, les gars. Faut éviter. Ils vont continuer à nous tuer. Faut éviter tout ça. Faut éviter. Faut protéger nos enfants. Quoi qu'ils soient, chinois, arabes, noirs, blancs, peu importe, on protège nos enfants. On est maman. Le père aussi. Mais la maman, elle a... Je peux pas vous dire quoi que ce soit. Prenez soin de vos enfants. Et vous, prenez soin de vos parents. Pensez à vos parents. Quand quelqu'un vous dit allez faire une bêtise, pensez à ce qui va se passer après. Pensez pas, c'est facile de se faire quoi que ce soit. Mais pensez après. La maman, comment elle va être? Le papa, comment il va être? Les frères et sœurs, c'est eux qui vont pleurer toute votre vie. C'est pas... La justice sera contente. Mais vous, vos parents vont pleurer. Ils vont souffrir. Naël, il savait pas qu'il allait se faire tuer. Peut-être arrêté, aller en prison, une garde à vue, se faire frapper, pas de problème, j'aurais accepté. Mais une balle, non, non, n'importe quelle mère aurait pas accepté ça, n'importe. Je sais pas. De perdre comme ça un enfant qui venait d'avoir 17 ans, qui était pressé de passer son permis pour être dans les règles, vous lui avez enlevé sa vie comme ça? Non, je peux pas accepter que cette police-là peut tuer nos enfants comme ça. On doit se battre pour ça, on doit arrêter tout ça. On doit arrêter de stopper. Ils nous ont demandé d'arrêter de frapper nos enfants. Mais pourtant, vous, la police, frappe nos enfants. Vous tuez nos enfants. Vous mettez du sucre dans le réservoir d'essence. Moi, je m'en rappelle quand vous le mettiez à mon fils. Vous mettiez du sucre dans le réservoir, dans son scooter, pour pas qu'il aille travailler. Il est où votre but? Il est où le but des policiers d'emmerder les jeunes? Faut dire ce qui est, c'est une chasse à l'homme. Ils jouent comme une chasse à l'homme, c'est moche. Nos enfants, c'est pas des animaux. On les met pas tous du tout dans le même sac, on est tous là. Moi, personnellement, j'en veux à ces deux policiers-là. J'en veux à ces deux policiers-là. À la base, ces deux policiers-là ont tué mon fils. Je veux. Merci à tous.

Donc ça a été écrit en avril 2024 et donc comme on vous le racontait à l'occasion de ce 30 ans du soulèvement, les apatistes ont fait, on vous en a parlé, une vingtaine de textes pour nous raconter tout leur cheminement. Et donc lui, il essaye de faire un petit condensé, une analyse politique. Je partage avec vous. Le soulèvement de l'armée apatiste de libération nationale, le ZLN, il y a 30 ans, a réussi à placer l'autonomie au centre des objectifs de certains mouvements sociaux d'Amérique latine. Jusqu'alors, il n'existait pas de courant politique et culturel qui allait dans ce sens, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des pays de la région latino-américaine. Il existait des positions autonomistes inspirées de l'opéraïsme italien. Ce courant formé par des philosophes italiens, Antonio Negri et Mario Tronti, qui n'a jamais eu de poids réel au niveau des luttes et des mouvements latino-américains. Son influence est concentrée dans les universités et parmi les intellectuels marxistes. L'opéraïsme, ça c'est moi qui rajoute, ça prône plutôt justement la prise de l'usine plutôt que la prise de l'État justement. Et le ZLN a été créé en 83 dans les régions autochtones du Chiapas. Pendant 10 ans, elle s'est enracinée dans les villages et après une large consultation de quelques 500 communautés, elle a décidé d'entrer en guerre, ce qui a donné lieu au soulèvement du 1er janvier 1994, le jour même de l'entrée du Mexique dans l'accord de libre-échange, l'ALENA. Là, c'est moi qui rajoute que justement, c'est précisément ce jour-là, puisque ça marque la réforme de l'article 27 et donc la privatisation des terres collectives. Et donc, le zapatisme a donc non seulement placé le débat sur l'autonomie au centre de sa pensée et de sa pratique politique, comme en témoignent les accords de San Andrés négociés en 1996 avec le gouvernement mexicain, mais il a également mis en évidence le rôle de premier plan que jouent les peuples autochtones qui sont les principaux sujets politiques de la lutte pour l'autonomie. Les rencontres internationales ont joué un rôle important dans la diffusion de la pensée de l'EZLN, tout comme les innombrables communiqués dans lesquels, à l'époque, le sous-commandant insurgé Marcos racontait des scènes de la vie des communautés et des miliciens, miliciennes du mouvement. La rencontre intercontinentale pour l'humanité, qui s'est tenue à la Realidad en 1995, a réuni des centaines de personnes du monde entier avec une forte présence de collectifs de jeunes européens, européennes, de tendances libertaires et autonomistes. Le fait que le zapatisme s'adresse aux groupes les plus divers de la société, mais surtout à la jeunesse citadine rebelle, gay, lesbienne, précaire et sans emploi, et qu'il n'utilise pas les concepts traditionnels de la gauche, tels que le prolétariat, la lutte des classes et la prise du pouvoir, s'est avéré extrêmement attrayant pour les secteurs déjà fatigués du langage monotone de la gauche. L'influence du zapatisme en Amérique latine peut être identifiée à deux niveaux. L'un plus direct, lié aux militants, militantes les plus actifs, et formé ce que l'on appelle les nouveaux mouvements sociaux tels que les piqueteros argentins, le secteur de l'éducation populaire, les jeunes critiques et les artistes. Et deuxièmement, de manière plus indirecte et transversale, dans les mouvements des peuples opprimés, en particulier autochtones et afrodescendants. Les traces du zapatisme se retrouvent surtout dans les mouvements moins institutionnalisés. Une grande partie des nouveaux mouvements ont été attirés par trois questions centrales qu'ils trouvent dans le zapatisme. Le rejet de la prise du pouvoir étatique et le parti de créer leur pouvoir propre et le pari de créer leur pouvoir propre, l'autonomie et l'autogestion et le fait de comprendre le changement social comme la construction d'un nouveau monde plutôt que de transformer le monde déjà existant. L'influence éthique et politique du zapatisme ainsi que l'échec des révolutions centrées sur la prise du pouvoir et le changement par le haut ont conduit certaines militantes à la conviction que le changement doit être lié à la reconstruction du lien social que le système détruit quotidiennement. La création de municipalités autonomes et de conseils de gouvernement a montré qu'il est possible de se gouverner autrement, sans créer ou reproduire de bureaucratie permanente comme l'ont fait les révolutions triomphantes. Attirées par ces particularités, des milliers de militantes du monde entier, en grande partie européennes, sont arrivées au Chiapas pour connaître personnellement la réalité zapatiste et ont apporté leur contribution en faisant don de ressources matérielles. Il serait erroné de croire que le zapatisme influence ou oriente d'une manière ou d'une autre toute cette variété de collectifs. Plus d'un millier de groupes ont soutenu le Voyage pour la vie, réalisé en 2021 dans différents pays et régions d'Europe, pour les écouter et fraterniser. Je pense qu'il est approprié de parler plutôt de convergence, car partout dans le monde se sont formés ou ont grandi des collectifs qui revendiquent l'autonomie comme pratique politique, en se référant aux zapatismes, sans aucun doute, mais pas dans une relation de commandement et d'obéissance. Les mouvements féministes, les mouvements des jeunes précaires et sans emploi, les initiatives autogérées qui se multiplient dans le monde entier ont trouvé dans le zapatisme une source d'inspiration par sa détermination à créer du nouveau, son rejet des institutions étatiques et des partis de gauche. Si les causes et rébellions ont des caractéristiques différentes, il y a partout un profond ras-le-bol du système dominant et de ses conséquences sur les jeunes, telles que la précarisation de l'emploi, l'absence de perspectives de vie décente et les répercussions et les persécutions policières de celles et ceux qui sont en désaccord. Peuples noirs et autochtones, au cours des dernières décennies, différents peuples ont réclamé leur autonomie et l'ont construite par voie de fait. Les peuples autochtones sont à l'avant-garde de ce processus non d'impôt. Les Mapuches du Chili et d'Argentine, mais encore le premier groupe, par exemple, autonomiste Mapuche, la Coordinadora Arauco Mayeco, a été créée en 1998 et a incarné une nouvelle façon de faire de la politique en menant des actions directes contre les entreprises forestières dont les plantations de pin étouffent les communautés. Aujourd'hui, il existe au moins une dizaine de collectifs Mapuche qui se déclarent autonomistes. Et puis encore en Colombie, ou encore des expériences qui se multiplient, comme la plus importante probablement, la Teia dos Povos, au Brésil, née il y a une dizaine d'années dans l'état de Bahia. Elle rassemble des communautés, des peuples autochtones, des paysans, paysannes sans terre, et des quilombolas, peuple noir des descendants des Marrons, au sein d'une alliance populaire, et qui s'étend à plusieurs états, et dont l'autonomie et le zapatisme est le point de référence central. Et enfin, les peuples amazonien, et puis donc enfin, il convient de mentionner que des dizaines de peuples autochtones vivant au Mexique ont suivi les principes zapatistes en se réunissant au sein du Congrès national indigène, dans lequel participent 32 peuples qui luttent pour leur autonomie. En 2006, le 4e congrès du CNI a décidé de signer la 6e déclaration de la forêt et la candone et d'exercer l'autonomie dans la pratique. Et donc, ce sont des nouvelles orientations pour continuer à exister. Alors que les autonomies ne cessent de se déployer dans la région latino-américaine, le zapatisme a décidé de prendre un tournant important dans son processus. Depuis le 22 octobre 2023, le ZLN a publié une série de communiqués annonçant des changements importants pour faire face à la nouvelle phase de l'effondrement systémique et environnemental. Les conseils de bon gouvernement et les municipalités autonomes, structures organisationnelles créées il y a 2 décennies et symboles de l'autonomie zapatiste, cesseront de fonctionner. Au lieu d'une 30aine de municipalités autonomes, il y aura des milliers de structures de base des gouvernements autonomes locaux, légales, on en avait déjà parlé d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent régulièrement, et donc des centaines de collectifs de gouvernements autonomes zapatistes, les SEGAZ. Là où il y avait auparavant 12 conseils de bon gouvernement. Les décisions qu'ils et elles ont prises ont un horizon de 120 ans, soit 7 générations. Le ZLN note qu'il y aura des guerres, des inondations, des sécheresses et des maladies et que par conséquent, au cœur de l'effondrement, nous devons regarder loin, loin devant nous. Ils et elles ont fait une autocritique du fonctionnement des municipalités et des conseils, concluant donc qu'une pyramide s'était mise en place et c'est pourquoi il fallait la rompre. On en a parlé, vous vous rappelez peut-être, pour les autres, sinon on y reviendra à l'occasion, mais du coup c'était cette capacité d'autocritique de revenir sur l'organisation qui jusque-là avait fonctionné, mais finalement, effectivement, une pyramide s'était mise en place et c'est pourquoi il fallait la rompre. Le plus important est peut-être qu'il et elle cherchent à être la bonne graine d'un monde nouveau qu'ils et elles ne verront pas, pour les générations futures, qu'elles héritent de la vie au lieu de la guerre et de la mort. Et là, il cite du coup les zapatistes. Nous pouvons déjà survivre à la tempête en tant que communauté zapatiste, mais maintenant, il ne s'agit pas seulement de cela. Il s'agit de traverser cette tempête et d'autres à venir, de traverser la nuit et d'arriver à cette aube-là. Dans 120 ans, où une enfant commencera à apprendre qu'être libre, c'est aussi être responsable de cette liberté. Semer sans récolter, sans s'attendre à cueillir les fruits de ce qui a été semé, la plus grande rupture avec l'ancienne façon de faire de la politique que l'on connaisse et de changer le monde. C'est une éthique politique antisystémique que le zapatisme nous offre, comme un cadeau à apprécier dans toute son extraordinaire dimension. Donc voilà l'article qui a été écrit, donc on va faire une petite pause musicale et on revient dans le monde zapatiste et du Mexique et des luttes du CNI. We'll be right back. boca con sed, con ansias de crecer. Amo mis sueños, bailo con vos, bailo con vos, escucho música rebelde. Una boca con hambre es una boca con sed, con ansias de crecer. Amo mis sueños, bailo con vos, bailo con vos, escucho música rebelde. Una boca con hambre es una boca con sed. FPP, c'est la jungle des luttes. Et donc, on était avec les apatistes et donc, qui ont fêté leurs 30 ans avec l'analyse de Raoul Zibeki qui donc, nous explique effectivement. Ben voilà, ça a fait des petits, les apatistes, un peu partout. Et justement, sans être sans se présenter comme une avant-garde. Et c'est ce que tout le monde a bien compris et ce dont tout le monde a besoin, effectivement, de plutôt de s'inspirer de modèles, d'avoir de la solidarité, de la force. Aussi grâce aux rencontres et au partage, comme dans la première partie de l'émission, on l'a vu aussi par rapport aux familles des victimes des violences policières. L'important, c'est effectivement de, déjà dans un premier temps, d'être ensemble, soudés et d'essayer d'avancer. Et donc, du côté du Mexique, les apatistes ont essayé d'avancer, justement, pas en tant que seule communauté au Chiapas, dans le sud-est du Mexique, mais bien depuis le départ et depuis. L'origine de discuter avec toutes les autres communautés indigènes du pays et donc justement de proposer cette fameuse formation qu'est le Conseil national indigène et donc comme qu'on pourrait appeler comme la Casa des peuples autochtones du Mexique et donc justement à Mexico, dans la ville de Mexico, la capitale donc du pays, il y a la Casa de los Pueblos et des communautés, la Casa des Peuples et Communautés Indigènes qui a été rebaptisée Samir Flores Soberanes, qui est un compas qui a été, qui lui aussi donc a fait partie des victimes du système. Et donc ils l'ont rebaptisé en hommage à ce résistant des communautés autochtones. Et donc il s'adresse justement aux personnes qui sont présente à un festival qui s'appelle le Festi Común, qui est justement une lecture peut-être plus approfondie et beaucoup plus aboutie justement de ce que les apatistes ont proposé à l'occasion de leurs 30 ans. Et donc justement, je vous lis la lettre que les compas du Conseil national indigène et donc des peuples qui étaient réunis donc le 22 juin 2024. Compañeras et compañeros, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui, de l'effort collectif que l'on a pris. Et pour ce festival appelé Festi Común, pour la vie et contre toutes les guerres. Festival pour le commun, pour la vie et contre toutes les guerres. Nous saluons chaque personne, collectif, organisation qui nous accompagne. Ce festival est un espace nouveau de coordination et d'organisation qui est né suite au 30e anniversaire de l'EZLN, célébré dans le Caracol 8, appelé Résistance et Rébellion, un nouvel horizon, et précisément dans la communauté zapatiste Dolores Hidalgo. À notre tour à la ville de Mexico, nous avons partagé nos points de vue et identifié les différents éléments de notre contexte, et comme l'ont appris les compagnons zapatistes, nous pourrions nous réunir avec d'autres pour construire un processus d'organisation rebelle, solidaire, autonome, autogérée, mais surtout horizontale. Ce festival cherche à générer une voix collective en faveur de la vie des biens communs et contre toutes les guerres. Notre ressenti collectif nous dit que notre monde a des manques et que nos peuples et nos communautés vivent inégalités, violences, disparitions, féminicides. Nous savons que nos ressources naturelles sont exploitées, pillées, et qu'il y a ceux qui s'enrichissent grâce à ça. Nous savons que les grandes villes s'étendent chaque jour à des rythmes disproportionnés et que pour beaucoup, il devient impossible de vivre et même de survivre. Nous sentons l'oubli et la discrimination dans les villes toujours plus gentrifiées, invisibilisant ainsi notre identité en tant que peuple, nous manquons d'emploi et de meilleures conditions d'emploi qui nous permettraient une vie digne. Alors, quand notre douleur et nos rages se sont rencontrés, se sont enlacés pour former un espace de discussion et d'analyse, notre voix, à l'unisson, crie avec force « Ya basta !» Et c'est à ce moment-là que nous nous rendons compte de la grande force que sont la solidarité, le compagnonnage, l'appui mutuel. Nous avons trouvé la forteresse que représente la collectivité et nous avons rompu avec les pratiques individualistes du capitalisme. Et nous nous rencontrons précisément aujourd'hui pour avancer collectivement. Mais c'est aussi en musique et dans la fête que nous célébrons la vie et que nous allons nous attacher à construire un monde qui contienne beaucoup de monde. Compañeras et compañeros, ce festival devait se célébrer sur le Zocalo. Il y a quelques jours, nous avons justement manifesté notre préoccupation. Mais le gouvernement de la ville de Mexico s'est accaparé cette place de la Constitution et nous dénonçons la prise en otage de cet espace politique public le plus important du pays. Et à cela s'ajoute que le 20 juin dernier, la Casa de los Pueblos, depuis là où il parle, a été informée que la Commission fédérale de l'électricité allait leur couper l'alimentation. Et c'est pourquoi nous dénonçons le fait qu'il n'existe pas la plus petite volonté de résoudre les demandes de la communauté otomie, et notamment celle de l'habitat. Puisque depuis 4 ans, on voit bien qu'il n'y aura pas d'issue, c'est certain à travers des tables de dialogue, et c'est la raison pour laquelle nous alertons sur une issue qui se fera dans la violence, c'est-à-dire qu'il est très probable que la Casa de los Pueblos soit expulsée, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé collectivement, par solidarité, de faire corps avec nos compañeras y compañeros otomi. Dans la ville de Mexico, nous nous rencontrons dans une situation compliquée avec un parti évidemment d'une classe politique qui se donne une certaine figure, continuant à avoir en réalité les mêmes pratiques que ceux qui ont gouverné il y a plus de 70 ans, sous les conditions politiques de ce dernier sextennat, et qui donc finalement va conclure. Ce qui continue, ça va être de toute façon... nous devons nous questionner. Qu'est-ce qui va continuer? Alors, est-ce que notre seul chemin, c'est mourir dans l'oubli et l'abandon? Alors, est-ce que nos espaces d'organisation devront simuler, imaginer des dialogues avec ceux d'en haut qui nous permettraient d'avoir un petit peu de paix? Est-ce que nous devons, comme le font les apatistes, mener une guerre en faveur de l'humanité? Peut-être sous ces conditions, on aurait peut-être une phrase bien connue pour tous nous autres. Jusqu'à mourir, c'est exactement ça. Au plus profond de notre cœur ardent et rebelle, nous souhaitons nous joindre avec toutes les résistances, toutes les rébellions et toutes les luttes qui, au Mexique, en bas, à gauche, s'organisent contre les mauvais gouvernements et les pouvoirs, ceux qui sont los poderosos, les hommes de pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour reconnaître et appeler, comme les 43 et les disparus qui ont dans ce pays, pour s'appeler toutes ces mères et ces pères, toutes ces femmes, toutes ces filles qui cherchent et qu'on appelle aussi toutes ces femmes disparues, toutes ces femmes qui ont été victimes de féminicides, les peuples qui luttent, qui résistent contre les méga-projets qui nous expulsent de nos territoires et de la nature. Nous sommes tous des journalistes assassinés pour exercer le droit de communiquer. Nous sommes les paysans qui survivons à la sécheresse. Nous sommes les paysans extorsionnés par le crime organisé. Nous sommes les ouvriers avec des salaires injustes, des conditions de travail inacceptables. Nous sommes. Et donc, nous comptons en tous les cas avec la plus solide de nos familles. Nous sommes les médias libres, ceux qui nous accompagnent, les causes justes et dignes. Nous sommes les étudiants qui, jour après jour, s'efforcent pour apporter à améliorer notre pays. Aujourd'hui, toutes celles et ceux, nous sommes la communauté otomie, Nous sommes la communauté Otomi qui lutte pour un abri, pour un logement. Et nous donnons tous ces efforts aujourd'hui parce que nous avons un beau désir. Nous souhaitons que Denis, cette jeune fille qui justement naîtra dans 120 ans dans l'imaginaire zapatiste et qui justement est l'objectif que veulent atteindre les zapatistes, que dans 120 ans puisse se dire que Denis aura justement un futur. Et c'est pour cela que nous devons éviter que le capitalisme détruise le monde et parce que les hommes et les femmes devront prendre conscience du lien à la mère nature. Aujourd'hui, nous exigeons que cesse la vague de violence que l'on vit au quotidien. Nous exigeons l'arrêt de la répression mise en œuvre par les bras armés de l'État, tant policiers que militaires, paramilitaires, groupes de crimes organisés et du narcotrafic. Nous exigeons que se respectent les droits inaliénables de liberté d'expression, de manifestation et d'organisation. Nous exigeons l'annulation des concessions avec les grandes transnationales de soda, de bière, etc. Et nous exigeons que soit stoppé le pillage des sources d'eau. Nous exigeons de ralentir la gentrification dans la ville de Mexico. Exigeons que s'arrête la guerre contre la Palestine. Exigeons fermement que soient stoppés tous les actes de violence et attaques contre les communautés autonomes zapatistes. Parce que Zapata vivait, la lucha sigue. Que vivent les peuples et communautés qui luttent et résistent. On fait une petite pause musicale et puis après on fait peut-être un petit débrief sur juste avant de finir. Ver morir la tierra no tiene sentido, hay que rescatarla, hay que estar unidos. Ver morir la tierra no tiene sentido, hay que rescatarla, hay que estar unidos. Ay, mar, el agua está llorando, ya no se ha escuchado. Saber el tren y lo que eso tiene implicado, sus hijos, flora y fauna. Ya están resignados a que les queda poco por la codicia del humano. El Golfo de Tehuantepec corre peligro, el segundo lugar nacional con mayor diversidad. Quieren ser dueños del istmo y si me opongo, ellos primero disparan y luego van a preguntar. Todo por el interés de unas cuantas personas, detrás de un escritorio todos pueden proponer. Si tomaran en cuenta lo que supone la mejora, pensarían dos veces en firmar ese papel. Por supuesto que quiero ver a la gente con empleos, ganando lo que merecen por su esfuerzo. Pero si ponen como precio vendernos al extranjero, el beneficio sigue siendo para el pueblo. Ver morir la tierra no tiene sentido. Tiene sentido, hay que rescatar. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On est sur la fin de l'émission et donc ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était des paroles des peuples autochtones, des peuples indigènes organisés au Mexique. Depuis des années, quand on vient de lire le texte, on voit bien que la lutte continue. En fait, ils sont organisés, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être déjà rien que pris des années pour se rencontrer, se faire confiance et se dire que ouais, effectivement, il va falloir peut-être continuer à rentrer dans cette lutte et de créer un front, ce que les apatistes proposent depuis des années, ce que les peuples autochtones font et mettent en œuvre aussi depuis des années à leur niveau. Envie de dire que du coup, bah, peut-être nous ici aussi, alors le chemin est très très loin, mais du coup même eux qui ont déjà avancé pensent à 120 ans. Donc un résultat, déjà quand ils se sont soulevés en 94, ils disaient on lutte pour nos petits-enfants. Donc déjà, ils avaient bien imaginé ne pas voir le résultat tout de suite. Il y a quelques années, ils nous ont parlé d'une tempête en nous disant que finalement, ça allait être largement compliqué. Et donc finalement, ils ont aussi pu partager avec ce voyage et nous raconter tout ce qu'ils avaient entrepris, les échecs et la capacité à être dans l'autocritique. Et donc justement, l'une des propositions qu'ils ont faites est... Et qui est donc justement cette capacité, encore une fois, à se solidariser, se rencontrer, s'organiser et pouvoir être plus fort ensemble. Et cet ensemble qu'on n'arrive pas forcément toujours à visibiliser ici sur nos territoires, bien qu'il y ait plein de rapprochements et plein de réseaux évidemment, mais je pense qu'il faut encore qu'on grandisse et en tout cas, il faut y croire. En tout cas, c'est ce que les apatistes nous proposent. Et eux, à l'épreuve, après 30 ans, bah, ils font que grandir, même s'ils ont essuyé beaucoup d'échecs. Et ils grandissent justement parce que y en a d'autres autour qui, justement, tentent de se solidariser et de faire commun et essayer de dépasser peut-être justement ce 1 plus 1 plus 1 pour essayer de faire collectif, mais peut-être d'essayer d'entrer dans le commun. Peut-être encore, donc justement, cette progression, ce qui est la proposition que justement faisaient les apatistes dans l'un de ces textes, dans l'un des derniers, où ils proposaient justement d'avoir cette possibilité de penser le territoire comme véritablement une non-propriété, et donc même pas une propriété collective, ce qui du coup renverrait toujours à des personnes et à des groupes, et en réalité... revient à une propriété, mais donc plutôt essayer de travailler sur la non-propriété, puisqu'en réalité, on appartient plus à la terre-mère que la terre devrait nous appartenir. Donc en essayant d'avancer dans cette vision du monde vers laquelle on progresse les uns ou les autres selon nos chemins, ou pas, ou certains peut-être en sont très loin, mais en tous les cas, les apatistes nous proposent, et je pense que c'est important, de se rencontrer toujours et encore, d'être solidaires, d'être attentifs les uns aux autres, prendre soin de nous et de passer un bel été pour recharger nos batteries. On finit avec notre hymne zapatiste, notre générique de fin. On se retrouve le mois prochain avec une émission enregistrée et en direct, troisième lundi du mois à 19h sur FPP 106.3, la jungle des luttes. Bye.